Activité 12. 1. Quel âge avez-vous ? J'ai 50 ans. 2. Quel animal avez-vous ? J'ai des oiseaux. 3. Parlez-moi de vos parents. Ma mère s'appelle Louise et mon père, lui, s'appelle André. 4. Quelles sont vos activités préférées ? Je fais du vélo le samedi et après, je vais au cinéma avec mes amis. 5. Quelle est votre profession ? Je suis chirurgien.